となりて Si tu crois un jour que tu m'aimes Là c'est meilleur pour moi Oh, je suis désolé Mais si tu crois un jour que tu m'aimes Ne crois pas que tes souvenirs me gênent et cours jusqu'à perdre haleine Viens me retrouver Si tu crois un jour que tu m'aimes Et si ce jour-là tu as de la peine à trouver où tous ces chemins te mènent Viens me retrouver Thank you.